Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Ah, la fête impériale, les bals aux Tuileries, les fêtes à Compiègne, les crinolines et les expositions universelles. L'empereur Napoléon III restaure l'empire de son oncle en 1852 et il donne à son règne un air festif. Mais l'expression « fête impériale » est plus tardive, oui, elle s'impose au début du XXe siècle, notamment avec un ouvrage de Frédéric Lollier, homme de lettres qui écrit en 1907 « Les femmes du Second Empire ». La fête impériale. Ah, ces femmes du Second Empire, l'impératrice Eugénie, bien sûr, Pauline de Metternich, qui disait « Je ne suis pas jolie, je suis pire ». La Castiglione, la Païva, et puis toutes les héroïnes de Zola, de Maupassant, il y a aussi Madame Bovary, chez Flaubert. Mais la fête impériale se termine brutalement à l'été 1870, quand l'Empire s'effondre lors de la guerre contre la Prusse. Et les femmes dans cette histoire, l'impératrice Eugénie a-t-elle vraiment voulu la guerre, comme cela a été longtemps dit? En 1870, les femmes jouent un rôle essentiel. Les femmes du Second Empire, la fête impériale, l'expression qui est restée est celle de fête impériale. Et comme souvent en histoire, les femmes ont été oubliées, historiens et historiennes, sont là pour nous rappeler leur rôle. Ce matin, nous repartons en 1870. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous sommes intéressés à la nécessité pour le pouvoir de nourrir le peuple. Il faut nourrir le peuple. Ce sont des émissions à réécouter en ligne sur le site internet, le cours de l'histoire, franceculture.fr ou bien en balado-diffusion, le podcast. Et puis, vous pouvez les commenter sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Et puis, vous dire que demain, 2020, la société face au conflit. Voilà le thème du forum France Culture dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Toute la journée, 4 tables rondes, un dialogue de clôture, une coproduction France Culture, Université Paris-Sorbonne. Évidemment, vous pouvez venir, il faut vous inscrire sur le site internet maisondelaradio.fr. Vous retrouverez le cours de l'histoire, youpi, et puis Adèle Vendrette pour la philosophie, à Tiffaine de Rocchigny avec de l'économie, et puis le temps du débat d'Emmanuel Laurentin et Olivia Gesbert pour son entretien de clôture. Ce matin, dans le cours de l'histoire 1870, diantre, mais qui a voulu la guerre 150 ans après la défaite de la France face à la Prusse, une défaite qui a bouleversé les équilibres européens. Et c'est le sujet du numéro, le dernier numéro du magazine L'Histoire, notre partenaire. Bonjour Valérie Hanin. Bonjour Xavier. Vous êtes directrice de rédaction de ce magazine. L'Histoire 1870, l'année terrible. Il était essentiel de faire un focus sur cette année-là parce qu'elle a des conséquences majeures pour la fin du 19e bien sûr, mais encore pour le 20e siècle. Oui, ça nous a semblé intéressant de revenir sur un conflit qui, évidemment, on le sait, a marqué la géopolitique européenne au combien, puisque la Prusse est devenue l'Allemagne, le Reich allemand, et que la France a été battue, défaite et amputée de départements. L'Alsace-Lorraine, terrible. L'Alsace, voilà, et la Moselle, 3 départements d'ailleurs. Mais il nous a semblé essentiel d'y revenir parce que, bizarrement, cette guerre qui a tellement marqué est une guerre très oubliée, bien oubliée, et que les historiens, les historiennes nous la font redécouvrir aujourd'hui dans toute sa dimension de violence, et évidemment Odile Roannette et Yannick Ripa vont nous en parler, mais aussi dans sa dimension européenne. Et c'est pour ça que, par exemple, on a voulu associer à ce dossier deux historiens allemands, enfin d'origine allemande, mais Jakob Vogel est quand même directeur du centre Marc Bloch à Berlin. Et c'était important vraiment d'offrir la parole à ces nouveaux regards sur ce conflit, celui de 1870. Il y a votre regard, Odile Roannette, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes l'auteur de « Bon pour le service, la caserne à la fin du 19e siècle » et également d'un ouvrage intitulé « Un long tourment ». Ça, c'est le dernier, Louis-Ferdinand Céline, « Entre deux guerres ». On pourrait dire « Mais tiens, que vient faire Céline dans cette histoire ?» Mais cet univers de la fin du 19e siècle est essentiel pour la construction de l'imaginaire de la plupart des hommes et des femmes du 20e siècle. On s'en souvient de la guerre de 1870. Oui, d'ailleurs, vous parliez de Céline à l'instant. Céline, dans sa correspondance de guerre, donc il est combattant en 1914, il part sur le front en août, et dans les lettres qu'il écrit à ses parents, il explique à quel point, au fond, il a le sentiment de devoir défendre, en fait, son pays d'une nouvelle invasion. Il parle à ses parents an de 70-71 du siège de Paris, dont nous reparlerons peut-être tout à l'heure. Donc, effectivement, les contemporains, par exemple, en particulier de la Première Guerre mondiale, ont pensé le conflit qu'ils étaient en train de vivre à l'aune du précédent. En tout cas, dans le même périmètre géographique, parce que dans une certaine mesure, les combats sont sur les mêmes lieux, et donc il y a une sorte de retour. Oui, on compare avec ce que l'on connaît, et le grand conflit, c'est celui de 1870, effacé par celui de 1914-1918. C'est ce que dit Georges Brassens dans sa chanson « La guerre que je préfère, c'est 14-18 », mais il reconnaît que celle de 1870 mérite un satisfecit. Et pour nous en parler également de ce conflit ce matin, vous êtes avec nous, Yannick Ripa, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'Université Paris 8, spécialiste de l'histoire des femmes et du genre. Les femmes est un sujet souvent mis de côté. Le Second Empire est une période où les femmes sont mises à l'honneur, mais ce sont les courtisanes, il y a l'impératrice. Vous avez un regard sur cette période essentielle de cette fin du 19e siècle, cette année 1870 en l'occurrence. C'est un article que vous proposez dans le magazine L'Histoire sur les femmes au cœur du conflit. Il y a toute une relecture à avoir, mais ça c'est valable pour l'ensemble de l'histoire. Oui, je ne sais même pas si on peut parler de relecture, ce qui supposerait qu'on les a déjà lues. Or, ce n'est pas le cas. On sait très bien que très longtemps avant la création de l'histoire des femmes, il y a quand même maintenant plus de 40 ans, les femmes sont invisibles. Donc dans une guerre, comme le disait à juste titre Valérie Anna, cette guerre a été oubliée, les femmes le sont encore davantage, parce qu'on a mis évidemment l'accent sur les hommes qui paient de leur vie, comme dans tous les conflits, le fait d'être des hommes et cette virilité militaire qu'explique si bien Odile Roinette. Alors que cette guerre a d'emblée, de façon complètement novatrice, interpellé les femmes. Parce que les conflits précédents appartiennent à l'ancien régime, si j'ose dire, des batailles, où deux armées se font face, alors que la guerre de 1870 pénètre dans le cœur de la France, comme le dit du reste George Sand, et interpelle immédiatement les femmes, y compris, et ça c'est aussi très nouveau, certaines tentent d'arrêter la guerre dans les associations internationales, notamment grâce à l'appel d'une Suissesse, et elles n'y parviennent bien sûr absolument pas. Donc la question qui est immédiatement posée, c'est dans ce cadre nouveau, quelle est la place des femmes et comment réagissent-elles pour, contre la guerre et en fonction du sexe et du genre qu'on leur impose. Une démarche passionnante, Yannick Ripa. Vous êtes l'auteur de Femmes d'exception, Les raisons d'un oubli, également des femmes actrices de l'histoire de la France, dans la France de 1789 à nos jours. Donc une relecture autour de la figure féminine comme actrice et puis victime également de ce conflit. Et puis pour nous parler de ce moment majeur, vu que nous intéressons particulièrement aux femmes au moment de la guerre de 1870. Maxime Michelet, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant à Sorbonne Université. Votre thèse, c'est quoi ? L'Assemblée nationale législative, de 1849 à 1851. Voilà, donc l'Assemblée nationale vous conduit à étudier la période et à sortir aux éditions du Cerf, l'impératrice Eugénie, une vie politique. L'impératrice Eugénie a fait l'objet de nombreux ouvrages par le passé, très peu d'études d'historiens, c'est-à-dire issus de l'université. Il y a une relecture à faire de ce personnage, qui est essentiel dans l'imaginaire. Alors aujourd'hui, un peu oublié étonnamment, le Second Empire, mais qui est essentiel dans l'imaginaire de tous ceux qui nous ont précédés. Totalement. Vous disiez qu'au XXe siècle, on se souvenait encore de la guerre de 70. On se souvient de la guerre de 70 aussi, comme clé de voûte, de la légende noire de l'impératrice Eugénie. C'est à cause de 70 qu'on a la preuve finale que l'impératrice Eugénie est une sorte d'influence maléfique sur le règne de son époux. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient sans cesse. L'impératrice Eugénie a voulu la guerre. Écoutez, nous allons discuter de ce conflit avec aujourd'hui Daniel Königsberg qui va nous lire des textes. Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel, vous êtes prêt? Aujourd'hui, vous allez être Victor Hugo, le roi de Prusse, vous allez être Bismarck. Vous ne serez pas l'impératrice Eugénie. Écoutez, ce que je vous propose pour commencer cette émission, c'est le rappel des faits, tout simplement, à travers une émission de la télévision française. C'était en décembre 1969. Ah ben, eux, ils fêtaient le centenaire. Donc, en décembre 1969... Ils commémoraient le centenaire. Merci Valérie. Nous écoutons ce rappel des événements de 1870. 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse, ce qui, selon les journaux de l'époque, déclenche un enthousiasme quasi général. L'armée impériale part pour une marche triomphale. Peu préparée, mal commandée et insuffisamment équipée, elle se heurte à une armée prussienne supérieure en nombre et en armement. Le 1er septembre, à Sedan, l'empereur fait prisonnier capitule sans condition. Il écrit à Guillaume Ier : Monsieur mon frère, n'ayant pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste qu'à remettre mon épée entre les mains de votre majesté. Je suis de votre majesté le bon frère. À Paris, l'impératrice Eugénie, qui assurait la régence de l'Empire, doit fuir le palais des Tuileries. Elle gagne l'Angleterre, où bientôt le prince impérial et Napoléon III viendront la rejoindre et connaîtront avec elle l'exil. La guerre de 1870 fut par la première chaîne de télévision française en décembre 1969. Odile Roinette, il faut souligner cette ambiance guerrière qui règne au début de l'année 1870, cette ambiance guerrière qui va conduire à la guerre. Alors, c'est en partie faux en fait, parce que dans le reportage que vous venez de passer, on parle d'enthousiasme général. En fait, les historiens ont bien montré qu'il n'y avait absolument aucun enthousiasme général, en tout cas en juillet 1870 ou même dans les mois qui précèdent pour la guerre. Hein, les villes sont plus patriotes, et en particulier Paris d'ailleurs, évidemment on le verra pendant le conflit, puis la commune, mais globalement les campagnes, et c'est quand même l'immense majorité de cette population, sont plutôt pacifistes, ne cherchant absolument aucun conflit et ne voulant pas de guerre, d'autant que les paysans, les ruraux savent le prix à payer pour ça. Donc ça, c'est une sorte de cliché qui maintenant est bien balayé par l'historiographie récente. Donc on n'est pas dans ce climat nationaliste du tout, en fait. Yannick Ripa. Oui, si je peux juste rajouter le point de vue des femmes, on est très frappé quand on arrive à trouver des traces de ce que pensent les paysannes. Là aussi, la majorité invisible, une fois de plus, de la population, elles ne se posent pas le problème en termes de patriotisme. Elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas pourquoi il va y avoir la guerre, alors que le référendum du mois de mai qui a permis la modification de la Constitution, dans leur tête, alors qu'elles n'y ont pas participé puisqu'elles n'ont pas le droit de vote, mais dans leur tête, cela signifie la paix. Et donc, il y a une forme de désarroi qui agite les campagnes de façon différente du côté des hommes et des femmes, mais quand même dans cette incompréhension. Avec l'idée, ce que vont dire tout de suite les parties de la gauche, voire de l'extrême gauche, que c'est une affaire de puissants et que la paysannerie et les Français dans leur ensemble n'ont rien à voir là-dedans, et les Françaises encore moins, puisqu'elles sont des citoyennes sans citoyenneté. C'est important à souligner, hein, Yannick Ripa et Odile Roinette. Et donc, c'est vrai que l'ensemble de la population française ne veut pas la guerre et la France part à la guerre. Donc, on se demande comment c'est arrivé. Alors, c'est vrai que cette masse de population paysanne, malgré tout, est silencieuse. Et l'ambiance guerrière est diffuse à travers des textes, à travers la presse. Et c'est elle qui domine, mine de rien, et c'est elle qui conduit à la guerre malgré tout. D'où vient-elle, en fait, cette demande de guerre ? Alors en fait, c'est tout le contexte de l'affaire espagnole et donc de la succession en fait sur le trône d'Espagne qui est donc proposée à Hohenzollern, donc à un membre de la famille régnante en Prusse. Et en fait, la France considère qu'elle va être d'une certaine manière, si du moins ça se fait, encerclée, hein, prise en tenaille entre une Espagne et des États germaniques, dont la Prusse. Hein. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu un retour à l'empire de Charles Quint, dont elle ne veut pas. Et d'autre part, la presse, effectivement, vous venez d'en parler, est très belliciste, donc pousse à la guerre. Et donc, c'est dans ce contexte-là, en fait, que vont se tendre progressivement les relations entre Prusse prussiens et français, et ça va conduire en fait à cette déclaration de guerre via quand même la dépêche d'Ems de Bismarck qui met un peu le feu aux poudres. Ce qui est essentiel, eh bien écoutez, ça tombe bien parce que nous avons Bismarck avec nous ce matin. Enfin, c'est pas vraiment Bismarck, c'est Daniel Königsberg qui va pouvoir nous lire cette dépêche d'Ems, qui est un texte en fait qui a focalisé les attentions pour expliquer cette guerre. Nous écoutons Daniel Königsberg nous lire cette dépêche d'Ems. La nouvelle du renoncement du prince héritier de Hohenzollern a été officiellement communiquée au gouvernement impérial français par le gouvernement royal espagnol. Depuis, l'ambassadeur français a encore adressé à Ems, à Sa Majesté le Roi, la demande de l'autoriser à télégraphier à Paris que Sa Majesté le Roi a tout jamais s'engagé à ne plus donner son consentement si les Hohenzollern devaient revenir sur leur candidature. Sa Majesté le Roi, là-dessus, a refusé de recevoir encore l'ambassadeur de France et lui a fait dire, par l'aide de camp de service, que Sa Majesté n'avait plus rien à communiquer à l'ambassadeur. Ce que nous venons d'entendre, lu par Daniel Königsberg, est ce qu'on appelle la dépêche d'Ems. Un texte très court, en fait, par lequel le roi de Prusse dit simplement « Je n'ai plus rien à dire à l'ambassadeur de France. J'ai accepté le renoncement de quelqu'un de ma famille au trône d'Espagne. On s'arrête là. » C'est ça, juste le prétexte qui est longtemps repris pour expliquer la vexation française qui déclare la guerre. En fait, oui, Bismarck réécrit un petit peu le dialogue diplomatique qui se passe se saisit en fait du contexte, il sent que là il y a une occasion, si vous voulez aussi, de pouvoir éventuellement achever l'unité allemande, parce que la Prusse est évidemment dans cette dynamique depuis longtemps, et en particulier depuis la guerre entre l'Autriche et la Prusse, donc elle gagne à partir de 1866, elle est dans la construction de la Confédération de l'Allemagne du Nord, donc d'une sorte de proto-unité allemande qui va être évidemment l'enjeu aussi pour du côté prussien de cette guerre. Donc il y a un jeu très subtil de Bismarck là sur le alors que la Prusse ne voulait pas au départ la guerre. Oui, pas, voilà. Pas plus que la France d'ailleurs. Elle ne la voulait pas, mais elle a instrumentalisé en fait un contexte propice et des erreurs de la diplomatie et du gouvernement français. Voilà, Bismarck a besoin d'un ennemi à offrir à l'ensemble des États allemands pour unifier ces États et aboutir à son projet, c'est-à-dire un État allemand, l'Allemagne qui jusqu'à là est divisée. C'est pourquoi Valérie Hanin, dans le dossier du magazine Histoire, il y a une grande attention portée à une lecture européenne de ce conflit qui n'est pas simplement deux pays l'un contre l'autre. Oui, c'est ça. Ça, c'était la lecture évidemment traditionnelle qui demeure vraie, puisque de fait, il y a bien un conflit franco-prussien et qui en a, et notamment dans les premières semaines, toutes les allures. Mais le conflit a une dimension internationale et européenne, ce que détaille bien Jacob Fogel. Et du reste, on a souhaité mettre une carte qui est aussi une carte de l'Europe, car il y a une implication. Le déclenchement avec la candidature Hohenzollern, comme vient de le dire Odile Roinette, au trône d'Espagne, mais aussi l'implication. Alors, notamment, je dirais, il faut peut-être insister un peu sur la rupture, le tournant du 4 septembre, c'est-à-dire le passage à la guerre patriotique, à la guerre républicaine. Le moment où Michel Vinocq nous dit « la République est mal partie », elle est mal partie parce qu'elle part dans la guerre. Une guerre qu'elle n'a pas voulu et qu'elle va faire. Mais elle va la faire avec l'aide de milliers de volontaires, les garibaldiens de l'armée des Vosges. Pierre Milza, dans son livre sur l'année terrible, disait, avec son talent et son enthousiasme, « le monde au secours de la France ». De la France républicaine. Ça n'empêchera pas la défaite, mais cette implication est évidemment importante. Et puis, évidemment, l'implication internationale, et ça, Jacob Fogel y insiste beaucoup, c'est l'humanitaire, l'international humanitaire, la Croix-Rouge, les ambulances, les pays neutres qui ne sont pas, donc, par définition dans la guerre, mais qui vont jouer un rôle très important, et on a, là aussi, voulu mettre en ouverture de notre dossier un tableau extraordinaire qui est beaucoup étudié aujourd'hui et qui est le panorama Bourbaki. Là, en Suisse, on nous raconte comment 87 000 soldats de l'armée Bourbaki ont été accueillis en Suisse après la reddition de Belfort. C'est important de bien avoir cette lecture européenne en insistant sur ces deux moments de la guerre, c'est-à-dire la guerre de l'Empire, du prince jusqu'au 4 septembre 1870, quand Napoléon III est renversé et que la République est proclamée. Yannick Ripa. Oui, ça correspond exactement à deux moments pour les femmes extrêmement différents. Le premier moment est celui d'une union que plus tard, au moment de la guerre de 14, on appellera l'union sacrée des sexes, où les femmes ont un rôle de philanthropes, elles vont vers les ambulances, elles ont donc un rôle qui continue le rôle traditionnel des femmes. Et puis, comme le disait Valérie Hanin, au moment de Sedan, il y a un tournant aussi dans le positionnement des femmes, dans la mentalité des femmes. Là, on se bat pour la République. Donc c'est très différent parce qu'il ne s'agit plus d'une guerre des puissants, il s'agit vraiment d'une guerre de la France, où là on voit des femmes se côtoyer de l'extrême gauche comme Louise Michel à une républicaine modérée comme Juliette Adam, et se pose alors la question de sortir du rôle traditionnel des femmes pour éventuellement prendre les armes et être des citoyennes républicaines. Et c'est Sedan qui vraiment fait la différence, avec aussi le fait que les hommes vivent Sedan comme une insulte à leur virilité, mais Odile Roinette le dira mieux que moi, alors que les femmes le vivent comme une insulte à la France, et donc là aussi une différence de regard, mais une union totale pour essayer de sauver la France. La défaite de Sedan au début du mois de septembre 1870, quand l'empereur lui-même, Napoléon III, est fait prisonnier, 1870, qui a voulu la guerre, et oui, il y a 150 ans, c'était la défaite de la France face à la Prusse, et surtout comprendre les bouleversements dans les équilibres européens, bouleversements dans la société qu'a provoqué cette défaite, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous tapez un peu de l'épaulette, n'est-ce pas, monsieur Napoléon III ? France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Vous tapez un peu de l'épaulette, n'est-ce pas Napoléon III ? C'est tout de même Pauline Carton. Aujourd'hui, nous nous intéressons donc à la guerre de 1870. Et au milieu de cette guerre, il y a un personnage qui est une femme et qui a vraiment endossé une responsabilité, enfin on lui a fait endosser une responsabilité énorme, c'est l'impératrice Eugénie, l'épouse de l'empereur Napoléon III, l'impératrice Eugénie dont les textes sont vraiment diamétralement opposés, c'est-à-dire que l'on sent qu'il y a des gens complètement fous et amoureux d'elle, mais on peut le comprendre dans un intérêt stratégique, puis il y en a d'autres qui sont un peu plus critiques. Alors on va commencer par les fous, les adeptes de l'impératrice Eugénie, même ceux du Tard, c'est le cas notamment d'Émile Ollivier, donc républicain rallié à l'Empire, qui, dans ses mémoires, évoque la deuxième régence de l'impératrice Eugénie en 1865, alors que Napoléon III est en Algérie. Un extrait qui nous est lu ce matin en direct par Daniel Königsberg. Elle se tourna vers sa dame d'honneur, faisant signe à chacun de se rapprocher. Elle prit une broderie et, très gaiement, engagea une causerie générale mondaine à laquelle je me mets les poings, admirant seulement l'agrément de verve avec lequel elle se prêtait aux sujets les plus dissemblables. Un instant, elle conta une petite anecdote dans laquelle un Marseillais se trouvait en scène. « Prenez garde, lui dis-je en riant, j'en suis un. »« Je le sais », me répondit-elle d'un geste aimable. Plus que de sa beauté, ou tant de noblesse rehaussée tant de grâce, je fus émerveillé de son aptitude à tout comprendre et à tout discuter, de son intelligence prime sautière, de sa parole vive, animée de saillies originales et parfois de chaude éloquence. Un extrait de l'Empire libéral, c'est-à-dire les mémoires d'Émile Ollivier, républicain rallié à l'Empire, qui devient même ministre à la fin de l'Empire, mais qui évoque à ce moment-là l'impératrice en 1865, au moment de la régence. Maxime Michelet, l'impératrice, il faut le rappeler, a été régente. Elle a été régente par trois fois. C'est un pouvoir qui est assez peu commun dans notre histoire. C'est très, encore moins commun dans l'histoire du 19e siècle français, où les femmes, en plus d'être exclues de toute fonction politique, sont même exclues de la possibilité d'accéder à la régence par toutes les constitutions, par toutes les lois de régence, sauf celle de 1813 où Marie-Louise, dans la débâcle, est autorisée à embrasser la régence. L'impératrice Eugénie est la seule qui, par une loi, par un décret, va avoir ce statut constitutionnel tout particulier. Et elle l'a en 1870, au moment où l'empereur part à la guerre. Tout à fait. Alors, cette image où vous avez fait une biographie, il y a deux choses dans le travail que l'on doit faire sur un personnage comme l'impératrice Eugénie. C'est, il y a la vie, c'est un fait. Et puis derrière, il y a déconstruire l'image, c'est-à-dire qu'une chape repose sur ce personnage. Et des deux côtés, on a entendu Émile Ollivier qui la trouve absolument magnifique. Et il y a aussi toute la légende noire. Oui, et une légende noire qui est tissée par... un fait absolument indiscutable qui est la misogynie la plus solide qui puisse être. Vous parliez au tout début de l'émission de Frédéric Lollier qui consacre aussi une biographie à l'impératrice en 1907 et qui, pour expliquer les malheurs qu'elle a infligés à la France, donne une explication très simple et très courte. C'est une femme. Tout simplement, elle ne réfléchissait pas, elle agissait sans raisonnement et donc elle a mené l'Empire et la France à sa perte. Voilà, ça c'est la lecture, c'est vrai qui a été longtemps imposée. C'est intéressant hein, d'ailleurs, Yannick Ripa, parce que l'impératrice Eugénie est une femme de pouvoir, mais elle est une femme malgré tout. Et c'est toujours facile d'accuser, de trouver la responsabilité totale chez elle. De toute façon, depuis la Révolution française, voire avant, où on disait qu'éventuellement les maîtresses, les favorites du roi étaient responsables de ce qui ne plaisait pas, depuis la Révolution française, qui exclut les femmes en guillotinant une Olympe de Gouges, en disant que les femmes n'ont pas quitté le soin du ménage pour monter à la tribune du Sénat, on est dans cette continuité. Napoléon pensait que les femmes ne devaient pas avoir la moins de 11 de pouvoir, parce qu'il suffisait de regarder la Révolution, et si elle avait en quelque sorte dérapé, si j'ose dire, c'était la faute des femmes. Donc trouver un bouc émissaire féminin, c'est classique. Je serais plus nuancée, et cette biographie justement est tout à fait pertinente pour questionner qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'une femme. Vous dites dans ce livre que l'impératrice est une souveraine. Qu'est-ce que ça veut dire, une souveraine qui en fait n'a pas de pouvoir? Dans les régences, vous montrez bien que les deux premières régences, elle essaie. Il y a une dimension presque désespérée, je trouve, c'est cette femme qui essaie de passer au travers des obstacles. Et au final, à la fin de cette biographie remarquable, je me suis dit, mais dans le fond, est-ce que c'est pas une vie politique empêchée, plutôt qu'une vie politique tout court, qui est le sous-titre de votre livre? Parce que femme, elle ne peut rien, en réalité. Elle essaye. C'est une vie politique en puissance, on pourrait dire. En fait, elle a un statut qui lui aurait permis, elle a un statut et une formation, l'empereur lui fait confiance, et la forme à exercer le pouvoir d'État, et elle aurait pu, selon les circonstances, elle l'a un peu exercé d'ailleurs, en août 1870, elle aurait pu exercer un pouvoir politique. Et puis l'impératrice est une femme baignée de religion, en tout cas c'est comme ça qu'on ne cesse de la présenter, c'est la bigoterie à l'état pur, et ça a une influence majeure aussi dans la lecture politique du moment, quand l'Italie est en train de s'unifier, avec la question des états du pape, c'est quelque chose qui pose sans cesse problème. Oui, alors que c'est totalement faux. L'impératrice ne peut pas être décrite comme une bigote entourée de prêtres, elle n'est jamais entourée de prêtres, et quand on étudie un peu la réalité de sa foi, on voit que sa foi est une foi généreuse et charitable, et qu'elle ne la met pas en avant continuellement. Si vous lisez la correspondance de la princesse Clotilde, par exemple la femme du prince Napoléon, la femme de Plomplon, le cousin de l'empereur, tout à fait, vous voyez une correspondance saturée de références religieuses. Alors que dans la correspondance d'Eugénie, vous n'avez pas cette saturation. Oui, en tout cas, sur ce que disait Yannick Ripa, c'est vrai qu'il y a cette volonté de mettre tous les torts sur la femme, en l'occurrence sur Eugénie, ce que l'on retrouve notamment à travers les pamphlets. Odile Rouanette, sur cette question de la femme, oui. De la femme comme responsable des maux de 1870. Oui, alors, je dirais plus généralement et en poursuivant ce que venait de dire Yannick Ripa, que cette guerre, évidemment, est un moment de reconfiguration des identités de genre. Hein, comme, et il y a des équilibres qui se reformulent. Mais concernant Eugénie, je me demandais quand même si, de toute façon, quelle était au fond la part du discrédit qui touche par ailleurs les hommes profondément. Alors là, c'est plutôt le côté, l'autre côté du, l'autre versant, c'est-à-dire que Napoléon III lui-même est véritablement happé par la légende noire, hein, il devient badinguet, tous ces hommes qui ont combattu, hein, j'ai pu travailler sur les prisonniers, sont dans une situation au fond d'humiliation, hein, de la défaite et tout ce que représente cette année terrible, hein, pour reprendre l'expression de Victor Hugo. Donc il y a véritablement une mise en question, hein, des rôles genrés, des identités sexuées, et ça touche aussi les hommes, pas seulement les femmes. Ça touche aussi les hommes, pas seulement les femmes. Yannick Ripa. Oui, et il est très intéressant de voir que dans le même temps, dans cette espèce de dévirilisation qu'elle a défaite, il y a au contraire un certain nombre de personnes qui valorisent les femmes dans leur fonction traditionnelle de nourricière, qui plus est au cours des deux sièges, hein, il y a d'abord le siège des Prussiens et puis il y aura celui de la Commune, où effectivement les femmes doivent absolument remplir leur panier pour remplir leur ventre, les ventres des enfants, elles se sacrifient pour les enfants, et c'est bien ce que dit Victor Hugo, les femmes sont les plus admirables, ce sont celles qui ont le plus souffert, mais on voit bien que dans cette recomposition, il y a quand même une valorisation des femmes. Mais dans leur rôle traditionnel, les féministes qui étaient déjà que balbutiants, parce que l'Empire n'est pas, dans sa version autoritaire, ne permet pas tellement la parole féministe, l'un des pères du féminisme qui s'appelle Léon Richer pense que les femmes sont admirables parce que leur rôle, c'est d'être dans la souffrance, et c'est bien aussi ce que dit Victor Hugo, dans le fond, même si c'est un hommage. Alors Valérie, un petit mot. Oui, le paradoxe, c'est que dans cette guerre oubliée, les femmes ont été oubliées, mais des hommes aussi. Les 500 000 prisonniers dont parle Odile Roinette dans notre dossier, ils ont été complètement oubliés dans cette entreprise de dévirilisation, et oui, il ne faut pas les oublier non plus. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose, Odile Roinette? Oui, donc je voulais dire quelques mots de ces prisonniers de guerre, parce qu'effectivement, c'est à l'aune de ce chiffre considérable, au moins 500 000 prisonniers de guerre en 1870-71 du côté français, c'est-à-dire au moins autant que pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est une réalité qui effectivement est celle finalement de cette armée française totalement dans la débâcle à ce moment-là, et donc il y a toute cette situation de captivité qui est là et qui vient questionner, d'où d'ailleurs le retour à l'ordre. Hein, Yannick Ripa parlait de cette question de la réassignation, du retour à l'ordre à partir de 1871. Les femmes, par exemple, celles qui étaient présentes dans les armées françaises, notamment les cantinières, les blanchisseuses, mais tout particulièrement les cantinières, seront exclues de l'armée française après la défaite. Il va y avoir ce grand moment du service militaire avec cette idée d'une régénération du corps social par l'expérience du service militaire. Bien, justement, dans cette relecture que nous pouvons avoir des événements de 1870, la défaite de la France face à la Prusse et ses conséquences géopolitiques mais aussi sociales et même de représentation du rapport au genre avec une dévirilisation liée à la défaite, je vous propose la lecture par Daniel Koenigsberg d'un poème de Victor Hugo, Lettre à une femme, un poète de janvier 1871. La guerre continue, ce n'est plus l'Empire qui l'amène, c'est la République, oui, mais la guerre continue. Quant aux femmes, soyez très fières en ce moment où tout penche. Elles sont sublimes, simplement. Ce qui fit la beauté des Romaines antiques, c'était leurs humbles toits, leurs vertus domestiques, leurs doigts que l'âpre laine avait fait noirs et durs, leur court sommeil, leur calme, Hannibal près des murs, et leur mari debout sur la porte colline. Ces temps sont revenus. La géante Féline, la Prusse tient Paris, et Tigresse, elle mord. ce grand cœur palpitant du monde à moitié mort. Eh bien, dans ce Paris sous l'étreinte inhumaine, l'homme n'est que français et la femme est romaine. Elles acceptent tout, les femmes de Paris. Leur âtre éteint, leurs pieds par le verglas meurtri. Au seuil noir débouché les attentes nocturnes, la neige et l'ouragan vidant leurs froides urnes, la famine, l'horreur, le combat, sans rien voir que la grande patrie et que le grand devoir. Et Juvénal, au fond de l'ombre, est content d'elle. Daniel Koenigsberg qui vient de lire Victor Hugo, j'ai envie de dire qu'il vient d'être Victor Hugo, dans le poème « Lettre à une femme », un poète écrit en janvier 1871. Il faut rappeler le contexte, hein, quand Victor Hugo écrit ce poème, Odile Roinette, c'est vrai que la France a subi cette... L'Empire s'est effondré, la défaite n'est pas encore là, c'est à la fin du mois de janvier, et puis il y a le siège de Paris. Oui, c'est vraiment un poème qui est inscrit dans ce contexte particulier du siège et de la valorisation effectivement dans les sièges. Hein. Il n'y a pas eu que le siège de Paris, il y a eu Belfort, il y a eu Strasbourg notamment. Ce rôle des femmes qui sont également des victimes de la guerre. Elles sont actrices, mais elles sont également victimes de la guerre dans les zones d'invasion, par exemple. Elles participent même à certains moments, en certains lieux bien précis, au combat, donc elles deviennent francs-tireurs, et elles sont victimes d'exécutions. Il y a eu quelques exécutions sommaires de femmes sur les lieux de combat, quelques viols de guerre, sur lesquels il est extrêmement difficile de travailler parce qu'on a pas d'archives, on n'a pas de témoignages, on n'a pas, si vous voulez, l'équivalent de ce que seront les rapports d'atrocité en 1914. Donc, et surtout, c'est pas du tout la même échelle, mais néanmoins, elles sont dans l'humanitaire, infirmières. Regardez quand même avec méfiance par les hommes. Et puis concerné, c'est vrai, de premier plan, parce que l'ensemble de l'économie est bouleversée. Si l'on évoque la déclaration de la guerre, nous sommes à l'été 1870, et l'été, ce sont les moissons. Yannick Ripa. Oui, les femmes déjà remplacent en partie les hommes. On évoquait tout à l'heure les prisonniers. Qui dit prisonnier dit aussi femme seule, qui dit soldat dit femme seule. Et du reste, on reste de ce fait très étonné de se dire que nous avons tous et tout écrit que les femmes remplaçaient les hommes pour la première fois en 1914, ce qui, quand on se penche sur la guerre de 1870, est en partie faux. Et sur les viols de guerre, il est évidemment probable qu'il y en ait eu. On a prouvé que malheureusement, c'est une arme de guerre constante. On traque un petit peu dans les mémoires des femmes et on peut sans doute trouver l'expression de ces violences sexuées sous leurs plumes lorsqu'elles disent les boches, parce qu'elles les appellent déjà les boches, ne respectent pas notre pudeur. Donc les femmes du 19e siècle ne vont pas au-delà. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ces femmes se retrouvent seules face à un occupant qui occupe la maison et elles reçoivent éventuellement des ordres de leur mari qui leur dit jusqu'à quel point elles peuvent aider des blessés prussiens. Et les femmes sont très gênées parce qu'elles ont du mal à voir la frontière entre le patriotisme et le rôle de femme dite charitable. Et puis nous avons tous croisé au moins une fois Boule de Suif, voilà. De Maupassant. Bien sûr. Boule de Suif, c'est 1870 et c'est vraiment cette femme qui est livrée aux Prussiens pour que la diligence puisse repartir. Et puis dans cette lecture, c'est vrai qu'il y a ce destin, Maxime Michelet, de l'impératrice Eugénie. J'évoquais la fête impériale, l'impératrice au centre de la fête impériale. Et puis dans la construction de l'image, mais c'est une réalité, il y a cette chute soudaine. Et c'est vrai que ça marque aussi les contemporains qui ont vécu pendant 18 ans avec affiché chez eux la gravure avec l'impératrice, l'empereur et le petit prince. C'est une chute brutale cette histoire pour l'impératrice Eugénie. En fait c'est un destin, c'est un scénario de film. Oui, tout à fait. On s'étonne d'ailleurs que, je m'étonne qu'aucun film ne soit encore consacré au destin de l'impératrice Eugénie, tant c'est une... En effet, un destin exceptionnel. Le 4 septembre, si la chute est si soudaine, si l'évanouissement, comme je le dis dans ma biographie, est si soudain, c'est aussi parce que l'impératrice refuse de résister, en fait. Elle voit que l'Empire commence à s'effriter, à se fracturer. Et dès le 3 septembre au soir, elle va dire au gouvernement que les soldats n'ont pas leur place face à l'émeute, mais face à l'ennemi. Et du coup, lorsque l'Empire commence à s'effondrer, elle ne résiste pas, elle s'enfuit. Elle disparaît de Paris et l'Empire s'évanouit comme dans la révolution la plus tranquille de notre histoire. Oui, c'est ça. Ça se passe à Paris. Ça se passe pas tellement d'ailleurs en province. Et puis, il est assez facile là pour les pamphlétaires de développer un discours qui existait déjà sous l'Empire. Nous allons en écouter un extrait, mais c'est vraiment pour avoir la conscience de la violence des écrits au XIXe siècle. C'est un pamphlétaire, hein, Hippolyte Magin, qui écrit en 1865. Donc on est sous l'Empire, la femme de César. Et ce matin, ce pamphlétaire s'appelle Daniel Königsberg. Écoutons-le. Malheureusement pour notre intéressante héroïne, la nature qui, d'un certain côté, l'a si bien douée, en même temps l'a affligée d'une maladie crépitante nommée tympanie chronique ou hydropysie gazeuse qui éloigna d'elle peu à peu son impérial époux. Elle porte dans son beau corps une harpe éolienne soumise à l'action capricieuse des vents, lesquels n'exhalent pas toujours l'harmonie la plus suave, ni les parfums les plus purs, la rose ou le jasmin. Et ce n'était pas trop de la senteur des magnifiques bouquets de violettes de Parme que Miss Howard envoyait à son ancien amant pour neutraliser les exhalations méphitiques de l'impératrice. Aussi le ciel de nos époux s'assombrit-il. Mesdemoiselles de Montalan et Malivry et d'autres de leurs gentilles compagnes furent chargées de la mission délicate de consoler Sa Majesté l'Empereur de l'infirmité de sa moitié. Elles s'acquittèrent si bien de leur tâche que le matin, quand elles quittaient la couche du héros de Strasbourg et de Boulogne, le demi-dieu était fourbu et complètement hébété. Par Daniel Königsberg d'un ouvrage intitulé La femme de César d'Hippolyte Magin en 1865, d'une violence inouïe contre l'impératrice. Mais ça fait partie aussi de l'histoire. C'est-à-dire que Maxime Michelet, en étudiant cette impératrice, vous ne pouvez pas écarter ça parce que la lecture que l'on peut faire des critiques portées sur l'impératrice, c'est aussi une histoire. C'est-à-dire qu'il y a le personnage Eugénie, impératrice, mais telle qu'il est présenté par les pamphlétaires. Et c'est vrai que vous avez côtoyé ça, c'est très violent. C'est extrêmement violent, les pamphlets. Les pamphlets qui s'abattent contre l'impératrice sont fondamentaux dans la construction de sa légende noire. Il y a la volonté, en fait, de dépolitiser la figure de l'impératrice Eugénie en s'invitant dans son intimité la plus stricte et en la calomniant le plus possible dans cette intimité pour montrer en fait que ce n'est pas une femme politique, elle n'est pas une femme publique, c'est juste à cause de problèmes gastriques, tout à fait, ou alors parce que son mari était infidèle et donc une femme n'ayant pour but dans sa vie que de se marier et procréer et être heureuse dans son mariage, l'empereur, pour calmer sa femme hystérique, lui a donné le gouvernement de la France. On trouve dans certaines biographies encore récentes de l'empereur Napoléon III cette idée que l'impératrice Eugénie aurait accédé au statut constitutionnel qu'elle a eu, car elle voulait en fait quelque chose d'autre, puisque son mari ne s'occupait pas d'elle, elle s'occupait de la France. Si l'on porte une lecture politique sur l'ensemble de la période, bien sûr, l'impératrice et l'empereur sont d'un certain côté, les républicains sont d'un autre, mais malgré tout, il y a une lecture je pourrais dire genré que l'on pourrait faire, c'est-à-dire que l'impératrice Eugénie est victime en fait d'une représentation globale des femmes. Dites-nous, Yannick Ripa, en quoi 1870 peut changer ce regard? La République, par exemple, crée ou trouve des héroïnes. Juliette Dodu, par exemple. Oui, en même temps, vous savez, l'héroïsation de quelques femmes dites remarquables, c'est un moyen d'affirmer la règle du genre, vous savez, l'exception qui confirme la règle. Et on a cette posture, cet imaginaire qui conforte l'exclusion des femmes, elle traverse toute l'histoire de France, et d'ailleurs pas que l'histoire de France, mais de façon plus spécifique la France qui, depuis une interprétation fallacieuse de la loi Salique qui date du 4e et 5e siècle, exclut les femmes du pouvoir, et d'ailleurs Eugénie en est elle aussi victime. En République, il y a cette situation complètement paradoxale, hein, on a cet hommage de Victor Hugo et d'autres aux femmes patriotiques. Et en même temps, la République arrive au pouvoir et ne donne absolument pas le pouvoir aux femmes, même pas une once de pouvoir, puisqu'elles sont toujours exclues du droit de vote. Et la Commune, qui fait en quelque sorte une continuité douloureuse de cette période, va mettre en place, lorsqu'elle est vaincue, et mis en place contre elle, le mythe de la pétroleuse, c'est-à-dire d'une femme, là aussi, hystérique, carnassière, diabolique, qui, en fait, recouvre complètement tout ce qui pouvait avoir été trouvé de positif dans les femmes de 1870. Et je pense que c'est une des raisons, et sans doute une des raisons majeures, pour laquelle on a oublié le rôle des femmes dans ces années-là, et que les femmes de 1914 ne savent sans doute pas grand-chose de ce que leur mère ou grand-mère ont fait pendant la guerre. Vous, Odile Rouanette, quand vous étudiez la virilité, cette image, la caserne, et là, dans l'article que vous livrez dans le magazine Histoire sur ces 500 000 prisonniers, c'est un chiffre absolument énorme, vous regardez évidemment les sources, vous étudiez Première Guerre mondiale, par exemple, vous retrouvez cet écho sans cesse avec cette fin du 19e et la guerre de 70. C'est vraiment la Première Guerre mondiale qui a fait oublier la guerre de 1870, puisque depuis tout à l'heure, on dit qu'il y a sans cesse des lien avec les temps suivants. Alors, la question est peut-être à deux niveaux, c'est-à-dire que pour les contemporains qui ont vécu évidemment l'événement 1914-1918, effectivement, la violence, l'immensité du choc dans tous les pays belligérants, mais particulièrement entre France et Allemagne, a effectivement d'une certaine manière balayé en quelque sorte le souvenir, l'importance que pouvait avoir pour les contemporains, et on en a parlé tout à l'heure, cette guerre. Donc c'est un petit peu autour de cette question-là, mais ça reste quand même très très important pour les contemporains. C'est-à-dire qu'elle n'est pas oubliée quand même. Elle et en particulier, jusqu'en 14, il y a beaucoup d'écrits sur la guerre 70, beaucoup de témoignages de femmes notamment. Oui, beaucoup. Elles écrivent leurs journaux personnels. Elles écrivent. Il y a beaucoup de choses. Donc des sources pour les historiens, oui. Valérie Hanin. Oui, elle n'est pas oubliée par les contemporains, et notamment il reste ce fil absolument inusable et magnifique des témoignages, mais aussi des écrivains. Vous avez cité, Xavier, tout à l'heure, Boule de Suif, mais on pourrait citer toutes les nouvelles de Maupassant qui sont consacrées à la guerre, où les femmes jouent un rôle d'ailleurs particulièrement important, le Lit 29, enfin, des choses absolument incroyables, et tout ça est resté dans les consciences et jouera un rôle, Odile Rouanette le montre bien, dans les la mémoire du déclenchement de les atrocités du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Oui, parce que le souvenir de 70 joue un rôle. Oui, Jean-Norton Cru, vous savez, l'auteur de Témoins prétendait que les atrocités allemandes de 1914 avaient en quelque sorte été préparées par la lecture de Maupassant. Et, et alors, juste en un mot, Maxime Michelet, il faut le rappeler, l'impératrice Eugénie, elle, connaît la Première Guerre mondiale. Il y a une femme pour qui la guerre 14 efface en partie la guerre 70, c'est l'impératrice Eugénie, puisqu'elle vit jusqu'en 1920. Et oui, c'est le centenaire cette année. C'est le centenaire cette année, c'est en partie grâce à elle que la France a pu récupérer l'Alsace-Moselle, puisqu'elle a transmis à Clémenceau la lettre de Guillaume Ier qu'elle avait reçue en 1870, où Guillaume Ier de Prusse disait qu'il voulait l'Alsace-Moselle non pas pour récupérer un territoire germanique, mais uniquement pour des vues stratégiques, pour repousser la prochaine attaque française. Voilà, chose étonnante, et oui, l'impératrice Eugénie qui sort de ses tiroirs, cette vieille lettre, et qui a été donnée à Clémenceau, et Clémenceau l'a transmise à Wilson en 1919. Donc, merci un petit peu à l'impératrice Eugénie, mais il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'histoire, un mélange explosif au croisement de l'univers des comics et de l'histoire de la traque des nazis. C'est dans une série américaine proposée par Amazon, Hunters. Les séries de super-héros investissent chaque jour davantage l'histoire du XXe siècle.